Hymne pacifique. Sous le ciel sombre, l'insurrection éclate. Contre la manipulation, la révolte éclate. Émeute et rébellion, un cri de liberté pour une révolution, un monde à recréer. Nos voix pour un monde en paix. Contre l'injustice, ensemble on se dresse. Avec amour et espoir, nous brisons les chaînes. Pour un avenir radieux, sans haine. Spontané et insurgé, exil et tentative, tertiaire et violence, action décisive, autorité et garnison, indépendance en vue, massif et patriote, l'affaissement est dû. Unissons nos voix pour un monde en paix, contre l'injustice, ensemble on se dresse. Avec amour et espoir, nous brisons les chaînes. Avec un avenir radieux, sans haine. Affleurement des montagnes, autoritaire bondissement, boost surflure et changement, croûte en mouvement, déchaînement et désobéissance, désordre et dissidence, effervescence et là, l'enthousiasme en cadence. Unissons nos voix pour un monde en paix, contre l'injustice, ensemble on se dresse. Avec amour et espoir, nous brisons les chaînes, avec un avenir radieux, sans haine. Renversement en paix, soutien sans plaie, bouleversement sans violence, un monde en clarté, conspiration évitée. Massacre écarté, un peuple uni, en paix et en liberté. En liberté, unissons nos voix pour un monde en paix, contre l'injustice, ensemble on se dresse. Avec amour et espoir, nous brisons les chaînes, pour qu'un avenir radieux sans haine. Effervescence et élan, l'enthousiasme en marche, contre l'autorité, le peuple se fâche. Indicible et courageux, unis dans l'action, pour un avenir meilleur, une nouvelle direction. Unissons nos voix pour un monde en paix. Contre la justice, ensemble on se dresse. Avec amour et espoir, nous brisons les chaînes. Pour un avenir radieux, sans chaînes, sans haine.